Naturellement Parc, l'émission du Parc naturel régional de Lorraine. Bonjour Jenny, cet été, nous partons à la découverte du Parc naturel régional de Lorraine, mais pas n'importe comment, bien accompagnée avec un guide nature. Un guide nature, à quoi ça sert ? Un guide nature sert à accompagner les visiteurs sur le territoire du Parc naturel régional de Lorraine, tout en leur faisant vivre un moment inoubliable au cœur de la nature avec nos guides passionnés. C'est également un gage de qualité et de valeur respectée grâce à deux certifications dont ils ont été reconnus. La première, Calinat, qualité tourisme, qui est reconnue par le ministère du Tourisme. Et la seconde, Valeur Parc, qui est reconnue par le ministère de la Transition écologique. C'est également de donner du sens finalement à ces vacances pour découvrir la Lorraine autrement. Et c'est enfin une promesse pour réserver le meilleur accueil aux visiteurs et faire découvrir la nature, les écosystèmes et aussi les paysages lorrains en toute sécurité et en respectant les milieux naturels traversés. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'ils proposent ? Alors, nos guides accompagnateurs nature proposent soit des sorties programmées en toute saison, plusieurs dates d'ailleurs sont programmées, elles n'attendent plus que vous, ou des sorties qui peuvent être faites à la demande pour être planifiées avec vous, sur mesure, par exemple en amont de votre séjour. Où est-ce qu'on peut avoir toutes les informations pour ça ? Alors, déjà dans un souci de qualité et de convivialité pour la sortie, nos guides limitent la taille des groupes et elles se font uniquement sur réservation. Donc, il suffit de choisir sa sortie, la sortie qui vous tente, sur notre site internet www.pnr-lorraine.com, les balades estivales des guides nature du parc et vous réservez directement auprès d'eux. Il y en a toute l'année. On peut aussi réserver pour septembre, octobre, novembre, parce que l'automne, c'est joli aussi dans le parc. Tout à fait. Là, tout le programme est lisible sur notre site jusque septembre-octobre. Et ensuite, ils programmeront éventuellement d'autres dates pour l'année prochaine. Il faut peut-être avoir une tenue adaptée. Tout à fait. En fonction de la saison et des conditions météorologiques, il faut prévoir une tenue vestimentaire adaptée à une activité de pleine nature. Soit un coupe-vent, soit une casquette. Surtout, prenez de l'eau. Mais en général, nos guides nature sont là pour vous conseiller en amont de la sortie. Merci Jenny. Bonjour Laurine. Bonjour. Alors, vous êtes guide nature pour l'Office de tourisme du Saulnois. C'est ça, tout à fait. Et qu'est-ce qu'on fait là dans la forêt des Essarts aujourd'hui ? Alors là, l'objectif, ça va être de découvrir un petit peu ce que les animaux nous ont laissé sur leur passage. Donc, ce qu'on appelle des traces et des indices. Donc les animaux qu'on ne voit pas forcément, tout au long de leur journée, ils vont nous laisser des petites choses. Et l'objectif, ça va être de découvrir un petit peu toutes ces traces et ces indices. Alors là, on est parti, on se promène, on observe. On va observer, on va écouter. Et moi, je vais vous donner quelques clés, en fait, pour essayer de lire un peu dans ce grand livre qu'est la nature. Donc c'est un langage qu'on ne connaît pas. Et quand on apprend un petit peu ce nouveau langage, ce livre ouvert devient de plus en plus lisible. Et alors, on va voir plutôt des oiseaux, des mammifères, on va entendre... On va entendre beaucoup d'oiseaux. Des mammifères, on n'en verra pas forcément, à moins d'être très discret. On verra pas mal d'insectes ici dans la forêt. Mais par contre, on aura l'occasion de voir quelques petites choses qui nous auront laissées. Ah, j'entends un moustique. Beaucoup de moustiques. Allez, on est parti. Pas facile de reconnaître les empreintes quand on ne les connaît pas. Alors toutes ces feuilles là qui sont disposées par terre, c'est des empreintes de quel animal ? Alors là, on va essayer de faire un petit peu la différence entre les différents mammifères qu'on trouve dans la forêt. Donc pour ceux qu'on a ici, c'est ce qu'on appelle des ongulés. Donc des animaux qui marchent sur les ongles, comme par exemple le chevreuil ou le sanglier. Donc là, on arrive à faire la différence, c'est visuel. Le sanglier va laisser 4 empreintes, alors que le chevreuil, lui, n'en laissera que 2. De ce côté-là, on a plutôt les animaux qui ont des coussinets. Donc ça va être le renard, le chat et le chien. pas facile de faire la différence, mais je vais vous expliquer quelques petites astuces pour les reconnaître. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce que c'est, ça ? Ça, c'est une empreinte de chevreuil. Parce qu'on le voit dans le petit carnet ? Oui. Et tu l'as reconnu avec les pages ? Oui. Ah, super ! Alors, où on va, là, Laurine ? Alors là, on rentre donc dans le cœur de la forêt. L'objectif, ça va être de faire une petite boucle pour rejoindre l'étang des Essarts. Et durant ce petit parcours, on va faire différentes haltes. Et pendant ces petites haltes, on va définir différents indices de présence, que ce soit pour les oiseaux, pour les mammifères, et puis forcément parler de cet étang-là. Et qu'est-ce qu'il y a à découvrir sur l'étang des Essarts ? Alors, l'étang des Essarts, c'est vrai que c'est un super endroit, déjà par rapport à sa faune, son avifaune particulièrement, hein, puisqu'il y a pas mal d'oiseaux qui viennent se reposer un petit peu toute l'année, mais également la possibilité de faire le tour de l'étang avec un petit sentier aménagé, qu'on appelle le parcours de santé, qui est apprécié un petit peu par tous, petits et grands, et puis parler un petit peu de cette création de l'étang, hein, forcément, sur le territoire, qui est assez importante. C'est un gros étang ? Alors c'est un étang qui fait environ 10 hectares, donc c'est un étang de taille moyenne qui avait une fonction première qui était la pisciculture. Maintenant c'est un étang qui est là pour les touristes et pour le bonheur des oiseaux, évidemment. Et là tout à l'heure on a vu une petite pelote de réjection, qu'est-ce que c'est ça ? Alors ça c'est notamment pour les rapaces, c'est tout ce qu'ils ne digèrent pas, donc dans leur repas, que ce soit des poils, des ossements, ils vont les recracher. On peut en retrouver 2 à 3 toutes les 24 heures et c'est un très bon indice de présence puisque grâce à ça, on peut connaître le régime alimentaire de l'oiseau et même définir de quel oiseau il s'agit si on n'a aucune idée de qui niche à cet endroit-ci. Et là, la pelote qu'on a vue tout à l'heure, c'était quoi ? Alors ça, c'est une chouette effraie des clochers qui habite près d'une vieille grange et qui nous laisse ses petites pelotes régulièrement. Ah, joli cadeau ! On arrive à la fin de la sortie, là c'est le quiz. Chut, attention, concentrez-vous, il va y avoir des questions. Alors, qui est capable de reconnaître cette empreinte ? Donc on la reconnaît, elle est assez particulière, on voit qu'il y a 5 doigts et ça ressemble quand même à une petite patte d'ours. Est-ce que quelqu'un a une idée ? Oh, moi je sais, c'est le blaireau. Bravo. C'est ça ? Tout ouais, à fait. Bravo ! Oh, ma félicitation. Bon, alors, Lucie, qu'est-ce que tu as apprécié dans cette sortie et qu'est-ce que tu as appris ? J'ai beaucoup apprécié savoir reconnaître les différentes empreintes que l'on peut trouver dans la forêt. Et j'ai trouvé cette sortie très instructive. J'ai vraiment aimé. Et les bruits des oiseaux, les chants des oiseaux, ça t'a plu aussi ? Oui. Bon, hormis les moustiques ? Ça allait. Globalement, ça s'est bien passé. Donc, il faudra la prochaine fois prévoir l'anti-moustique. C'était Naturellement Parc. Retrouvez toutes les sorties sur le site internet du parc www.pnr-lorraine.com.